telle s'élève sous le ciel brûlant. Le feu ne doit jamais s'éteindre, car ta présence se garde allumée par des cœurs qui refusent de se plaindre. Ce qui est entre nous brûle, ce qui est négligé, c'est